Le film adapté d'un jeu vidéo pour le challenge VHS. Étant donné que nous sortions déjà d'un épisode sur les adaptations de jeux vidéo, je me suis dirigé vers un film dont j'ai déjà brièvement parlé l'année dernière, Tekken. Je dois bien reconnaître que cela m'a fait plaisir de le revoir. En effet, après la purge Double Dragon, c'est un sacré gap qualitatif. Bon, pas que le film soit un sommet du genre, mais une série B honnête, rivalisant sans honte avec Mortal Kombat. Son grand point fort, c'est l'univers apocalyptique qui y est dépeint, les combats très agréablement chorégraphiés, et le fait que le protagoniste se fasse systématiquement défoncer la gueule, avant évidemment de rendre les coups. C'est vraiment très brutal et bien mis en scène. Le truc qui ne marche pas en revanche, c'est tout le reste. Les dialogues sont insipides, les costumes cheap et le scénario microscopique. Bon, c'est bien simple, ça pourrait être un boulard où l'on remplace les scènes de cul par des combats. Dans ce registre, ça me contente bien plus qu'un Dead or Alive. Par contre, un petit conseil. Fuyez King of Fighters, c'est une purge sans nom.